notre amour. Quand tu seras bien vieille, et quand j'aurai aussi des rides autour des yeux, je sais qu'au fond de moi, au plus près de ma tombe, je souffrirai du mal de ne plus faire l'amour. De notre vie, quand nous serons deux ombres, et quand nos corps flétris s'endormiront encore, je sais qu'au fond de moi, au plus près de ma tombe, du mal de te vouloir encore. Et quand les mains croisées, comment je serai seul et sombre à compter les années que je n'ai pas